Are you ready? Dimanche soir, c'est le rendez-vous incontournable sur Skyrock. Il est là. Incontournable. En pleine forme. Bonsoir Case, ouais, comment ça va? Ça va très bien. Bien, la semaine? Au top, ouais, bien, très bien. On a travaillé ça ce week-end. Ça a mixé un petit peu ce week-end. Ouais, on est à Charleville-Mézières et vers Auxerre, donc c'est un peu froid. Bah, en même temps, là, c'est vrai que tu vas plus trop dans le sud. J'y étais la semaine dernière, mais il faisait aussi froid mais qu'ici. Mais quand je parle sud, c'est plus Maroc, Algérie, Tunisie. On y va en fin d'année pour les fêtes, ouais, comme d'hab. Peut-être Marrakech, 31 décembre. Ouais, 31 décembre, ouais. Il sera où, le 31? À Bruxelles. Ah bah oui. Mais on en avait parlé en plus. Ouais. Bon, bah réservez déjà vos soirées là en Belgique, du côté de Bruxelles. Ils ont besoin de s'amuser un peu. Ah ouais, là, il faut s'éclater un peu partout là, ouais, en ce moment. On est parti pour une nouvelle session, Case, une nouvelle heure, un peu plus même d'ailleurs, on c'est va aller ça, un peu plus loin. On fait 1h30, 2h. On déborde. Voilà, on déborde. On est on a carte blanche, donc on s'éclate, il n'y a pas de code, on met tous les sons qui font bouger. Ouais, j'ai demandé des nouveautés. Voilà, la première demi-heure, 40 minutes de sons pour faire bouger, et puis après un peu plus oriental, avec aussi de l'oriental en première partie. Et bah coup d'envoi de ce Rail Suprême, DJ Case au contrôle, on y va. Salut tout le monde, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. On Skyrock. Je veux des selfies ou bien mon numéro. Oui, il faut que je sache. C'est le dream, c'est le dream. Ramène ton équipe, on va leur montrer ce que.

direct sur Skyrock. Salut, c'est DJ Kaze, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Skyrock. Elles font les belles, ils font les stars. Et détends-toi cousine et vas-y j'tar. Y'a de l'oseille et que du ça. Ce soir on danse jusqu'à 7h du spa. Elles font les belles, ils font les stars. Et digue, digue, digue, digue, vas-y j'tar. Y'a de l'oseille et que du ça. Ce soir on danse jusqu'à 7h du spa. J'suis dans mon bol. Supreme Skyrock. C'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême.

soulevé, saoulé. Vous m'avez saoulé. Les gens qui m'ont menti tout le troulé. Menti tout le troulé. Cette routine m'abîme. On est fait d'or et platine. Dans la mer on patine. Bon Dieu fait un signe. Cette routine m'abîme. On est fait d'or et platine. Dans la mer on patine. Bon Dieu fait un signe. Toute l'année, gradure du Louis et toute la nuit. Salut, c'est DJ Kaze, on se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. Skyrock. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. La drogue c'est de l'eau. Tout le monde le verre en l'air, tout le monde le verre en l'air, tout le monde le verre en l'air, tout le monde le verre en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, le verre en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, et tu bois, et tu bois, et tu bois, et tu bois, et tu bois, et tu bois, et tu bois, et tu bois, et tu bois. Tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Son cou. DJ Kaze au contrôle de Rice Supreme. DJ Kaze est là avec nous et il est aussi dans toute la France généralement, même dans le monde entier parfois. Bah comme ce soir. Comme ce soir, c'est vrai. C'est vrai que tu mixes pour le monde entier. On peut nous écouter partout sur les applis. Le week-end prochain, je suis à Paris, donc avec des endroits qu'on a l'habitude de faire. En première partie, le vendredi 11 décembre, c'est au Séduction, c'est à Ivry-sur-Seine. Mm-hmm. Juste après au Théâtre, c'est à Porte-Maillot. Le samedi 12, en première partie au Bimki, mais juste après, c'est à Paris, ça, à Ivry. Et la deuxième partie à la Joya, c'est dans le 95. Et dimanche 13 décembre, c'est à Strasbourg, au VIP. Donc, d'accord. Au VIP Club. Et bah, direction Strasbourg, yes, pour tous ceux qui nous écoutent la semaine prochaine. Et la direction T Platine, puisque c'est reparti pour une nouvelle session. C'est ça. Allez, go! Go! Pas les boutons, je suis en mode Azonto. Je mets la vodka dans le pulco. Sushi de façon coke, c'est ma chérie coco. J'ai envie de te croquer, j'ai pas changé mon poteau. Je traîne dans la zone où au coquet. Odo, je te charge en moto. Je te baisse après ma poule, je te mets des claques. Odo, Kodo, Kodo, je te charge en moto. Je te baisse après ma poule, je te mets des claques. Odo, Kodo, tu partages mes sons gros. Merci. Tu soutiens la famille. Merci. Tu fais les indules. Merci. Tu portes mes t-shirts. Merci. Alcool et gadi. Merci. Location de bouteilles. Merci. Consommation sont gratuites. Merci. Benjamin Mendé. Merci. J'attire les ennuis. Je sais. J'attire les photos. Je sais. Rien à faire, on s'ennuie. On sait. Mais faut dire Dieu merci. Merci. Alors bambino, tu veux rouler sans guidon? Passe pas là où t'as papier. Reprends ton biberon. Je vis même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. J'ai pas de permis, alors le soir j'esquive les banales. Je vis même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. T'es mat, j'ai pas de permis, alors le soir j'esquive les banales. J'esquive les banales. J'esquive les banales. J'esquive les banales. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Fais pas la tasse, fais pas la tasse dans le classe. Alors Pépito, tu nous sors le couteau. Alors Pépito, tu fais le gros, mais ton père roule en punto. Pour les vrais, pas les boutons. J'suis en mode Azonto. J'mets la vodka dans le pulco. Sushi de Pasuko. De ma chérie Coco. J'ai envie de te croquer. J'ai pas changé mon poteau. J'suis dans la zone ou au coquet. Odo, j'te charge en moto. J'te baisse ta fin, ma poule, j'te mets des claques. Odo, Kodo, Kodo. J'te charge en moto. J'te baisse ta fin, ma poule, j'te mets des claques. Odo, Kodo. Tu partages mon son, gros. Merci. Tu soutiens la famille. Merci. Tu fais le sindu. Merci. Tu portes mes t-shirts. Merci. Alcool et gadi. Merci. Location de bouteilles. Merci. Consommation gratuite. Merci. Benjamin Mendé. Merci. J'attire les photos. Merci. Rien à faire, on s'ennuie. On sait. Mais faut dire de merci. Merci. Alors bambino, bambino, tu veux rouler sans guidon? Mange pas là où t'as papier. Papier. Reprends ton biberon. Je vis même plus à la playa. Je reste dans mon lit, je plane. Tu rêves.

Salut tout le monde, c'est DJ Kaze. On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت نعيش مع جرين انتي اوه اوه عايشة عايشة اول قلب الشاق عايشة عايشة On se retrouve tous les dimanches soirs sur Skyrock pour Rail Suprême. J'comme l'impression d'avoir fumé un choc. Smoke, c'est Joe, si t'es pas content, fuck. Smoke et d'elle, c'est devenu un choc. Tu l'as carotté, je crois sur tes morts. Ça t'énerve, prends tes marques, on démarre. Dédicace, quartier sud, quartier nord. Tu veux me connaître, c'est le ying et le yang. Mais fais le moonwalk, tu veux pas que ça fasse bang. À tes côtés, tu fais partie d'un gang. Mais tu descends pas en promenade, t'as peur qu'on te tank. Yeah. شربنا خايف نحصل لنا اي باقي نتوجنا باقي شربنا خايف نحصل لنا فاطمة زوينة عيشة حنينة ندي هادي ولا هادي فاطمة زوينة عيشة حنينة ندي هادي ولا هادي Let's have the magna. Dimanche soir, DJ Kaze te mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. C'est DJ Kaze, retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rai Suprême. On Skyrock. And it's all on me, nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me.

don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Retrouve-moi tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Skyrock. منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم So I'm curious now. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je faillage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est comme boy quand je lève mon majeur. Je prends un selfie, je leur dédicace. Mon star, c'est je suis sur la piste. Le platine, c'est DJ Kaist. Et sur Snapchat, j'suis en amie avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichos. Avec Aïcha Pandisha. Mal bleu, nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gaz douce pour pas flancher. Bilel, la PCR, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, tu sais, c'est pas un cadeau. Et qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vido? Avec Jaya City, tu ouvres la montagne. Avant de faire ton je fais un petit par Warlan. De toute façon, dès que la famille aime ton temps, y'est pas. La vie parfois, je sais pas. Essaye de rester vrai, car chez moi c'est où tu es, où tu vois. Ils nous jugent mal parce qu'ils sont ivres, pourquoi ils savent ce qu'ils font, ils veulent savoir. T'as pas l'impression d'avoir déjà vécu ce qu'on est en train de vivre. C'est comme dans les temps, font les mêmes trucs que nos ex. Il est dur d'avoir l'esprit sain, l'ambiance est malsaine. C'est le même délire partout, et la même ambiance à Marseille. Certains sont gays, d'autres sont aigris. Laissons faire nos instincts, vu que nos destins sont écrits. Suprême, Kay, ça passe, hein, ça passe ouais, vite. Ça passe vite, ouais. Mais pourtant, c'est bien éclaté comme voilà, d'hab. On fait des efforts pour durer un peu plus longtemps, et puis en même temps, c'est un réel plaisir. Bah, pareil, c'est un plaisir de te retrouver chaque dimanche soir pour Rail Suprême. Et ouais, avec le hashtag Rail Suprême, n'oubliez pas. Et sur les réseaux sociaux, on peut me trouver sur Facebook, la page fan DJ Kays, K-A-Y-Z, sur Twitter, Instagram et Snapchat DJ Kays Paris. Voilà, il y a toutes les infos, les dates en fin d'année, il y a beaucoup, beaucoup de dates. Ouais, ça, là, à mon avis, ouais. Ça va commencer à charbonner un peu. Ça va charbonner, ouais, pour les fêtes. Et le jour de l'an, ça se passera à Bruxelles, au Canal. Voilà. Canal, le 31 décembre. Yes. On aura le temps d'en reparler dans le prochain Rail sur Web. Quoique, il faut commencer à y réfléchir. Ah, les gens, ils commencent à prévoir dès maintenant. C'est le bon plan pour les gens qui sont du côté de Bruxelles, les Lillois aussi, les gens du Nord. Exactement, les gens, ils se prennent la tête pour leur été, leurs vacances et pour leur jour de l'an aussi. Et bah, 31 décembre, d'ici là, on te retrouve aussi la semaine prochaine en soirée la plus sur Paris et Strasbourg, je crois. Yes, c'est ça. À Paris, donc le vendredi 11, aux Séductions, en première partie, c'est à Ivry-sur-Seine et après au Théâtre, c'est à Porte-Maillot. Et le samedi 12 décembre, c'est au Bim Kim en première partie. Et en deuxième partie, à la Joya, c'est dans le 95. Et le dimanche 13, au VIP, c'est à Strasbourg. Donc je ferai sûrement l'émission peut-être de ma chambre d'hôtel, sûrement. On attend ça avec impatience. En direct de Strasbourg. Merci, Case. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous tous d'avoir suivi ce Rail Suprême. Prochain rendez-vous dans une semaine. Ciao. Ciao. Planète rap cette semaine.